Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique. En direct sur Campus FM, quoique le streaming fonctionne, c'est le 94 FM sur vos postes de radio qui ne fonctionnent pas très bien. Où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde, nous sommes le jeudi 24 février 2018. Il est 18h01. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne-Sophie Faure et Clémence Van Egmond à l'occasion de la 17e édition du festival Les Siestes Électroniques qui ont lieu cette année du 28 juin au 1er juillet. Du 27 juin. Merci. Du mercredi 27 juin. Et comme chaque année, je cite, vous pourrez paresser sur les pelouses du jardin Compense Caffarelli, y découvrir aujourd'hui ce que l'on écoutera demain. Pas d'humeur de Lou ce soir. Des bisous, Lou, si tu nous écoutes. Mais deux nouvelles chroniques. Avec Thomas qui nous parle cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Guizane qui, elle, nous parle création sonore et autres pépites radiophoniques comme on les aime. Elle est cachée au fond du studio, elle ne peut pas nous dire bonjour. De nouveaux rendez-vous réguliers, je l'espère, dans Rien à voir quoique. À la réalisation technique de l'émission, il y a Raphaël en stage à Campus FM. Hola Raphaël. Et François qui est pas loin. Et puis on embrasse très fort Marcos qui n'a pas pu être là ce soir. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique, en direct sur le 94 FM à Toulouse. Et c'est tout de suite Thomas. Thomas, tu nous parles cinéma. C'est ça, exactement. Alors en fait, pour cette chronique cinéma, j'avais envie de parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est la question de l'animal, de l'animalité au cinéma, la façon dont c'est traité. D'où le morceau. Exactement, d'où le morceau que je vais lancer juste après, parce que je vais vous parler d'un film aujourd'hui qui s'appelle Bestiaire, réalisé par Denis Côté en 2012. Gérard Manset, Animal en Limal, pour parler de ce film qui est un film qui pourrait être, à certains égards, à première vue, un film assez déstabilisant, qui pourra en tout cas en faire fuir certains, un film documentaire sans parole, donc sans la moindre voix off ou commentaire, et surtout sans même une présence humaine, ou en tout cas des présences lointaines et fantomatiques, puisque le film dont il est question est un documentaire animalier, mais bien loin de tous les documentaires animaliers qu'on peut voir généralement à la télévision ou au cinéma. Bon, d'abord Denis Côté, qui est-il ? C'est un cinéaste canadien qui depuis quelques années signe des films singuliers, documentaires ou fiction, comme Vic et Flon vu un ours, Carcasse, Curling, ou bien l'année dernière Tapo Silis, un documentaire sur le milieu du bodybuilding. Peut-être connaissez-vous le film de Georges Franju, Le sang des bêtes, tourné en 1949, dans lequel l'auteur des Yeux sans visage filmait les abattoirs de Paris en se plaçant clairement dans une démarche documentaire, tout en accomplissant presque un film fantastique dans la lignée de ses films de fiction à venir. Denis Côté, lui, se pose en observateur d'un monde animal et du monde tout court, même dans un contexte pourtant différent de celui de Franju, même si on peut trouver des points communs entre les films. Le cinéaste canadien a posé ses caméras dans un zoo et a filmé des animaux sans véritablement suivre de scénario précis. Tout a été construit au montage, comme il le précise en interview. Son parti pris est donc audacieux et sa démarche radicale. Une des forces de ce film, c'est de filmer les bêtes comme des êtres dignes d'intérêt, de les humaniser, tandis que paradoxalement, les quelques rares êtres humains qui réussissent furtivement à entrer dans le champ de la caméra restent silencieux et muets. Ou bien s'ils parlent, c'est pour raconter des choses anecdotiques dont le cinéaste semble se moquer, puisqu'il relègue le son alors en arrière-plan, faisant alors de ces voix des voix presque incompréhensibles et inaudibles. À propos des animaux, le cinéaste porte un regard dénué de tout jugement, ni malveillant, ni naïf, Mais pas de jugement ne veut pas forcément dire pas de point de vue, au contraire. C'est là toute la subtilité de la démarche du cinéaste qui refuse cette infantilisation du spectateur que l'on observe parfois au cinéma. On aime se perdre dans ces images, parfois oniriques et pourtant profondément naturalistes, qui défilent devant nos yeux. Un des points les plus intéressants dans ce film, c'est l'absence de commentaires et de voix off, ou bien de cartons et autres intertitres qui paraphraseraient ce que Denis Coté nous donne à voir. Si l'homme, l'être humain, animal dont on dit que le propre est la parole, ou plus largement le langage, est ici privé de toute forme d'expression directe avec le cinéaste, le spectateur, il se crée pourtant entre nous et les animaux qui nous sont montrés une forme de communion, de communication, de dialogue muet et silencieux où tout passe par le mouvement et par les corps. C'est tout simplement un langage qui se crée à partir des outils propres au cinéma. Tout ça crée une forme de ballet, de chorégraphie et de poésie des corps sublimés par ce silence, un silence très présent dans le film, qui règne du début à la fin. Si la musique est absente à proprement parler du film, c'est une autre musique, une forme de symphonie naturaliste qui se crée à partir des sons naturels et animaliers collectés par Denis Coté dans son documentaire. De toute façon, il serait inutile de placer de la musique dans ce film, cela équivaudra en fin de compte à rompre le lien qui unit le spectateur aux protagonistes animaux de ce film, et par là même interrompre le dialogue qui s'est instauré entre nous. Pour résumer, Bestiaire, c'est à la fois un film expérimental, un documentaire, une fiction, mais surtout un grand film humaniste et poétique, car il donne une âme aux animaux souvent relégués au statut d'objet dans beaucoup de films. Il évite aussi, par la même occasion, l'anthropomorphisme qu'on peut trouver dans des films chez Walt Disney, par exemple, et ce même anthropomorphisme puéril que dénonce Werner Herzog dans un film que je vous conseille également, qui s'appelle Grizzly Man, et donc un film que je vous conseille tout comme le film de Denis Coté dont je viens de brièvement parler, qui donc s'appelle, je le rappelle, Bestiaire. C'est donc un documentaire sorti en 2012, et je vous conseille donc ce film au même titre que les autres réalisations de Denis Coté, comme donc Vic et Flo ont vu un ours, que j'ai cité en début de chronique, ou bien Curling ou Tapocilis. On peut le voir où Alors c'est un film qui est assez... difficile à trouver, j'ai cherché en streaming par exemple ou en vidéo à la demande, légal. Juste comme ça, mettons légal, c'est difficile, mais on trouve, il est édité en DVD, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le trouver en édition vidéo, puisqu'il est, voilà, il est édité et en France on peut le trouver, mais c'est assez compliqué à trouver en streaming en tout cas, j'ai pas, voilà, moi je l'ai vu en DVD, donc bon. Merci Thomas, on se revoit à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Gratuit et au cœur de l'espace public, les siestes électroniques, je cite, est un festival toulousain dédié aux cultures émergentes, la programmation artistique, historiquement dédiée aux musiques électroniques, qui est désormais beaucoup plus riche, parfois exubérante, toujours pétillante et ose sans complexe le grand écart des genres, des périodes et des familles musicales. Cette année, pour cette 17e édition, le festival se tient donc du 27 juin au 1er juillet au jardin Compense Caffarelli, mais pas que, à Toulouse. Les siestes électroniques édition 2018 commencent par un concert de Mohamed Lamouri à la Grainerie. On appelle ça, enfin, vous appelez ça du rail sentimental. On écoute un extrait de son étonnante version de Billie Jean par Michael Jackson. Les siestes d'électronique, c'est aussi Dominique Dalcan, pionnier de l'électropop, adepte d'une chanson française intimiste. On appelle ça de la chanson anthropocène. Il est en concert vendredi 29 juin. Such an idea of nature. Toujours en plein air, toujours le vendredi 29 juin, la musique d'Aïcha Devi est à l'image de notre époque, électronique, synthétique, multiculturelle, bordélique, collective, hyperactive, complexe, violente, mais poétique.

Et donc, on se disait que c'était intéressant de les intégrer à notre programmation, dans la mesure où ça a un lien avec la musique électronique. C'est une réflexion là-dessus, c'est une performance là-dessus. Et donc, on les a intégrés à notre programmation parce qu'il y avait cette cohérence-là. Et on tombe en plus en même temps que le marathon des mots, donc c'est un moyen de créer des ponts entre toutes ces manifestations qui œuvrent en même temps pour le dynamisme de la ville. Et puis pour annoncer la programmation, alors j'ai l'impression que tous les ans, le public attend la programmation, qu'il y a des surprises à chaque fois. Et là, vous avez créé un jeu vidéo. Vous invitez le public à parcourir une version onirique du jardin Compense Caffarelli. Alors, ça marche pas très bien sur Mac, j'ai l'impression. Ah. Et découvrir derrière les arbres et les bosquets les 16 noms de votre programmation. Oui, alors en fait, on s'amuse hein, des effets d'annonce, des festivals. C'est-à-dire que chez nous, ça a un sens particulier, c'est que on n'a aucune tête d'affiche. Donc évidemment, ça va pas créer l'effet que d'autres festivals connaissent. Donc on prend ça un peu à l'humour. Donc il y a certaines années, on n'a pas du tout annoncé la programmation. Il y a d'autres années, on l'a annoncé une semaine avant. Là, cette année, on a fait ce jeu. C'est sous une proposition en fait de Pierre Vanni, qui est le graphiste qui travaille depuis maintenant quelques années pour le festival et qui maîtrise bien en fait notre capacité à... Il a une forme de liberté dans cette manière de faire des propositions. C'est toujours très juste par rapport à notre positionnement, donc à la fois audacieux, à la fois avec des codes souvent qu'il réutilise de la culture populaire. Et donc en fait le jeu vidéo cette année, c'est ce qui crée le lien avec la culture pop. Et donc c'est une forme légère, effectivement, on le prend pas très au sérieux, c'est pas un jeu qu'on va commercialiser. Facile à trouver d'ailleurs. C'est ça. Mais c'est pour les. En fait, c'était à la fois nous pour nous faire plaisir, parce qu'on trouvait que l'univers graphique cette année était assez saisissant et donc on pouvait aller encore plus loin. Et je trouve que ça fonctionne bien. Alors, ça marche mieux si on le télécharge. C'est-à-dire que moi, j'étais sur Mac et en streaming, effectivement, c'est une dame qui court dans le jardin et donc, en fait, elle court au ralenti. Donc, c'est un peu frustrant. Mais quand on télécharge le jeu, donc, depuis le site internet des siestes, donc, je le dis, ça peut toujours servir les-siestes.com. Là, ça fonctionne beaucoup mieux. Vous avez travaillé sur ce jeu vidéo, Clémence ? Non, c'est pas moi qui me suis occupée du jeu vidéo, c'est le graphiste des siestes. Moi, je me suis occupée de faire la communication de la programmation après sur les réseaux. Donc sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et vous travaillez avec les partenariats aussi ? Oui. C'est les partenaires, des partenaires des commerces ou des restaurants qui rassemblent l'esprit des siestes à Toulouse, que j'ai d'abord identifié et que je suis allée voir pour leur proposer d'être partenaire du festival. Sur une année sur l'autre, les partenaires changent beaucoup ? Il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a des partenaires fidèles, on a des mécènes aussi qui nous soutiennent, qui sont très investis justement dans le développement de la manifestation. Et puis après, il y a des commerces qui, seront partenaires surtout pour bénéficier de la visibilité qu'offre. Donc s'ils ont une opération à mettre en avant, s'ils veulent faire un jeu concours sur les réseaux sociaux, etc., ben évidemment, c'est une opportunité pour avoir touché pas mal de monde. Merci Jeanne-Sophie Faure et Clémence Wanegmont. On se retrouve dans un instant, le temps d'écouter le morceau Hibiscus par Too Smooth Christ. Vous appelez ça de la house app. Alors je ne sais pas qui a écrit les textes du site, ils sont super bien écrits. C'est Samuel Aubert, le directeur artistique. Bravo, qui prend bravo le temps Samuel Aubert. Eux, ils sont en concert le 30 juin à 22h. Thank you. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Sur Campus FM, on vient donc d'écouter Hibiscus par Two Smooth Cries, à découvrir pendant cette expérience sonore à l'horizontale, qui est le Festival des siestes électroniques, qui se tient du 27 juin, mercredi, au 1er juillet, dans les jardins Compense Caffarelli en plein air et dans d'autres lieux à Toulouse. Et nous continuons notre conversation avec Jeanne-Sophie Farr et Clémence Van Aegmont. Samuel Aubert, donc le fondateur des siestes à Toulouse, raconte, je cite, on en a parlé un petit peu en première partie d'interview, dès les premières éditions organisées avec trois bouts de ficelle, le succès fut au rendez-vous et s'est improvisé en 2 mois un budget de 1000 francs à l'époque et quelques artistes méconnus qui ont accepté de venir gratuitement. Évidemment, les choses ont un peu changé depuis cette première édition, mais pas tant, j'ai l'impression. Alors oui, je pense que dans l'état d'esprit, il y a encore un côté très do it yourself. C'est-à-dire que avec les moyens qu'on a, on va toujours avoir, on va dire, une ambition exponentielle. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on peut faire, tout le nombre de concerts qu'on peut produire ou les projets qu'on peut développer en parallèle, donc la revue Audimat dont on parlera peut-être, ou les éditions à l'étranger, etc. Donc on développe beaucoup d'activités, on a beaucoup d'ambition, mais on a toujours très peu de moyens par rapport à tout ce qu'on a l'intention de faire. Donc c'est vrai que on est les rois du bricolage et sur le montage du festival 500 ressent, c'est la raison pour laquelle ça peut être très drôle de participer au montage parce que ben voilà, ça demande d'avoir une forme de créativité, de savoir système D. Et concernant le public, alors ça c'est en 2011, Samuel Aubert disait que vous aviez tous la trentaine mais que ça ne devait pas devenir un festival de trentenaires et qu'il faut penser à reconquérir le public des quadras. Le festival doit rester ouvert à tout le monde. Est-ce que les quadras viennent, les quincas, les... Oui, mais d'ailleurs aujourd'hui on a inversé la problématique, c'est-à-dire qu'on se pose la question de ceux qui ont 18 ans, 18-25, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que le public vieillit en même temps que nous. Donc on a des festivaliers très fidèles, hein. On fait des études des publics qui nous disent que 70% en fait, des gens qui étaient là à une édition reviennent aux éditions suivantes. Et puis il y en a certains qui sont là depuis le début en fait. Il y en a qui ont fait les 17 éditions du festival. Donc ça montre aussi qu'on a beaucoup de Toulousains. Mais oui, en fait, aujourd'hui, l'idée c'est de continuer à avoir une programmation qui concerne les publics 18-25. C'est la raison aussi pour laquelle on va avoir Young Queens qui fait du rap comme... c'est pas mal écouté auprès de ces générations-là. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est difficile quand on est dans un segment d'essayer de voir plus loin et plus large. Assez paradoxalement, aujourd'hui, on a beaucoup moins de difficultés à toucher les quinquas que ceux de 18 ans. Ouais, si vous mettez du jazz et du Chopin. C'est vrai. Et alors, qui dit festival dit bénévole. Donc, vous cherchez des bénévoles encore pour cette édition 2018? C'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles candidatures de bénévoles, c'est vrai. C'est pour ça qu'on en est. Un peu invité en amont du festival. Ouais. Donc, quelles sont les missions des bénévoles? Donc, le montage, vous venez d'en parler. Oui, alors il y a le montage, il y a aussi aux côtés de Clémence, justement, qui les coordonne sur la diffusion des programmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va les recevoir, donc lundi prochain. Les programmes papier. Les programmes papier, on va les mettre dans toute la ville. Donc oui, normalement, il y a 200 points de distribution, donc ça fait pas mal de lieux à alimenter. Donc on fait ça en autodistribution. Par exemple, c'est une des preuves sur laquelle on est encore sur des systèmes, on va dire, de structures qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que généralement, un festival délègue ça à une société de diffusion. Bon, nous, on n'a pas les moyens. Donc il y a ça. Puis après, il y a l'accueil des artistes, donc c'est être en loge, s'inquiéter de comment vont les artistes, est-ce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Il y a aussi l'environnement qui est très important pour nous. Ça concerne le tri, ça concerne le nettoyage du site chaque jour. Il y a plusieurs pôles, et puis évidemment il y a la buvette au moment du festival qui est aussi notre moyen de maintien du festival en l'état, c'est-à-dire qu'un bon pourcentage de notre économie repose sur les recettes du bar, et donc du coup il faut que le bar soit efficace et donc qu'il y ait du monde derrière pour tout le monde peut postuler pour être bénévole, ou il faut un profil Bon, non, il faut être motivé en fait, il faut avoir envie, il faut être attaché soit au fait de participer à un festival, soit au Sieste spécifiquement. On n'a pas de profil type, hein, on est très ouvert et toutes les tranches. Il y a combien de bénévoles à peu près chaque année ? Là, on va en avoir une centaine, je pense. Et vous, Clémence, vous allez gérer tous les bénévoles ou juste ceux qui vont flyer en démarrage du festival ? Alors oui, du coup, les bénévoles qui vont distribuer les programmes là à la fin du mois. Et ensuite, sur le festival, les bénévoles qui vont être avec moi, j'imagine, pas tous les bénévoles. Ah non, non. En fait, on a un coordinateur, Nicolas, qui d'ailleurs, je crois, va être invité bientôt dans une matinale de campus. Des patrons minés. Et il va pouvoir en parler très bien, parce que c'est lui, en fait, qui a la coordination de ce qu'on appelle les ressources humaines. Donc, ça nous comprend tous, c'est-à-dire nous, l'équipe permanente, plus chaque chef de pôle et l'ensemble des bénévoles. Et donc, c'est lui qui organise ça, donc qui fait les fiches de temps et qui s'occupe finalement d'anticiper toutes les problématiques. Et après, c'est délégué à d'autres personnes. Donc, il y a deux personnes qui sont en charge de l'accueil des bénévoles. Et c'est eux qui s'assurent que tout va bien pour eux, etc. Est-ce qu'il y a des compensations, des repas, des boissons ? Bah, évidemment, pendant les heures de permanence, ils sont, on prend en charge boissons, repas, café, thé. Parce que j'ai essayé de recueillir des informations auprès de Manon, qui est aussi à la matinale dont vous parliez, et à part me dire que c'était du love, mais ça... Alors, il faut savoir que, vu de l'extérieur, ça paraît assez abstrait, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a vécu la vie à l'intérieur de l'association, enfin, une fois dès qu'on y a participé, il y a beaucoup de gens qui reviennent, hein. C'est-à-dire que Manon, elle s'est fait prendre au jeu. Je sais que maintenant elle a été convertie, elle est à fond, elle sera là cette année, ouais. Voilà. Donc pour être bénévole, il faut envoyer un mail à bénévolat.sieste@gmail.com. C'est ça. C'est vous, Clémence, qui répondez à ce mail. C'est pas moi qui réponds, mais et alors, on peut quand même envoyer un mail. Ce sera ma dernière. Et donc jusqu'à quand? Ça sera en fait normalement c'est bouclé, mais bon, il y a toujours un peu des désistements et des choses comme ça, donc s'il y a des gens très motivés, ils peuvent toujours nous écrire. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir rester en contact avec eux. Si jamais l'année prochaine on relance quelque chose, c'est jamais perdu. Et est-ce que ces bénévoles là aussi, il faut qu'ils démontent les scènes, parce que là, c'est le moment où il y a plus personne. Oui, alors généralement, c'est un peu le compliqué. Le dimanche. Alors, c'est le lundi, enfin, le dimanche soir et le lundi matin. Là où c'est le plus compliqué, c'est le lundi matin. Évidemment. Mais effectivement, ceux qui le veulent, généralement, en fait, ça, c'est ceux qui ont adhéré à l'association, qui sont vraiment très investis, qui le font. Mais on invite évidemment tous les bénévoles à nous filer un coup de main. Et ma dernière question, vous en avez parlé. Donc, en 2012, vous publiez une revue en format poche, Audimat, qui rassemble chercheurs, musiciens, labels, producteurs, journalistes autour de la musique. Un projet pour laisser une trace, ai-je lu? Oui. Alors, je l'ai sous les yeux, je le découvre. À l'époque, en fait, la revue Audimat devait marquer les 10 ans du festival et montrer qu'on avait un regard assez réflexif sur ce que c'était que la musique. Donc, sa production, mais aussi sa manière de l'écouter, les mouvements de société qui peuvent émerger autour de la musique. Donc, l'idée, c'est de se dire que la musique est un sujet qui peut être interrogé de plusieurs manières et depuis plusieurs point de vue. Donc effectivement, vous avez cité les journalistes, mais ça peut être aussi ceux qui la font, donc les artistes, ceux qui la produisent, enfin voilà. Et donc là, on en est, donc là c'est le dernier numéro, et va paraître, on va dire fin juin, le numéro 9. Et donc chaque fois, en fait, il y a entre 5 et 7 articles qui traite en fait des sujets de fond. Donc c'est une revue qui se présente sous format poche. Oui, il y a 230 pages quand même. Alors celui-là est particulièrement volumineux, le prochain le sera beaucoup moins. En fait, le format poche ne change pas, mais c'est l'épaisseur qui varie selon les différentes... Ça peut faire une petite collection. Exactement, colorée. Pour les fans des siestes, merci beaucoup Jeanne-Sophie Faure et Clémence Van Engmont d'être venues faire un tour. Merci à vous. De rien avoir quoi que, donc je rappelle que cette 17e édition des siestes électroniques, je crois que sans la liaison c'est quand même beaucoup mieux, se déroule du 27 juin au 1er juillet au Jardin Compense Caffarelli et dans d'autres lieux à Toulouse, vous l'avez dit. L'ensemble des concerts au Jardin est gratuit. La soirée d'inauguration Donc ça, c'est... C'est gratuit également. En fait, c'est proposé à la fois par le Centre d'art nomade, donc anciennement Croix-Baragnon, qui aujourd'hui fait une programmation dans plusieurs lieux. Et donc là, c'est à la Grainerie, en collaboration avec le MIAM, le Musée des Arts Modestes à 7, et l'espace Lieu Commun. Donc on est nombreux sur le coup. Et donc c'est en parallèle d'une exposition sur l'art brut. Donc cette exposition démarre avec ce concert de Mohamed Lamouri, donc qu'on produit. Et vous proposez un bar et une restauration à tarif doux sur l'ensemble des sites du festival. Je tenais à vous citer une dernière fois, l'essentiel de vos ressources dépend de vos ventes au bar. Aussi, ce serait sympa d'acheter les bières fraîches plutôt que de venir avec les packs de bières achetés au supermarché. Et ce, d'autant que les bouteilles en verre sont interdites dans les jardins publics. Toutes les infos sont sur votre site www.les-siestes-électronique.com et sur les réseaux sociaux, bien entendu. Merci encore, je vous souhaite un excellent festival et je vous laisse quitter nos studios. Et justement, pendant ce temps, on va écouter en entier la version de Billie Jean par Mohamed Lamouri, que moi j'ai trouvé assez assez étonnante. Je cite encore une dernière fois, c'est une direction simple, humble, tout terrain, définitivement pop au sens de populaire, et ça nous fait du bien. On écoutait une version très personnelle de Billie Jean de Michael Jackson par Mohamed Lamouri. Il est en concert en ouverture du festival de la 13e édition des siestes électroniques. Ça se passe à la Grainerie le mercredi 27 juin et c'est gratuit. Et en aparté, Jeanne-Sophie Faure me racontait que Mohamed Lamouri a été tout simplement repéré sur la ligne 2 du métro à Paris par l'association La Souterraine. Et c'est comme ça qu'il avait atterri aux siestes électro. Mieux vont pas. pensait rien, qu'une pas pensée du tout. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien c'est déjà beaucoup. Il est temps à présent de retrouver la nouvelle chronique de Guizane à nos côtés, spécialiste de création sonore et d'objets radiophoniques, fantasques, saugrenus ou pas, parfois tristes, parfois drôles ou juste doux à l'oreille. Alors nous hésitons encore sur le nom de cette nouvelle chronique. Moi je pensais à Hörspiel, je parle pas allemand, ça veut dire création radiophonique en Allemagne. Et en France, Hörspiel c'est un fourre-tout sonore qui ne serait ni du documentaire, ni de la fiction, ni de la musique. Et si vous voulez briller en société radiophonique, vous pouvez dire « ce Hörspiel est vraiment Huber ». Guizane, je te laisse la parole après cette introduction. Oui, on va réfléchir au nom. Moi, j'aime bien Hörspiel, même s'il faut qu'on apprenne à bien le prononcer, peut-être, en tout cas moi. Création sonore. Création sonore, c'est très très flou comme assemblage de mots. On imagine que ça s'écoute... Et après, je peux vous donner ma définition à moi, personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut pour moi-même. Bon, assez de circonvolution. On fait de la création sonore quand on utilise des sons comme une matière que l'on peut sculpter, manipuler, assembler, pour la sublimer, en quelque sorte, pour créer un assemblage d'éléments sonores qui dépasse la simple addition des éléments sonores. Ça fait un truc en plus, quoi. Ça n'empêche pas de prendre en compte le sens des mots, le fond du message. Mais c'est un tout. Où les mots sont aussi une musique, où la musique est aussi un langage, où les silences ont du sens. Et il y a aussi quelque chose qui échappe à toute analyse, qui est de l'ordre du pur sensoriel, et qui peut provoquer des états agréables ou inquiétants. La création sonore a sa part sombre. Dans la création sonore, on peut donc retrouver du documentaire, de la fiction, de la poésie, des choses plus musicales qu'on peut appeler musique électro-acoustique pour faire intelligent, des performances scéniques qui peuvent regrouper toutes les catégories précédentes, et enfin des choses carrément inclassables. Et tout ça, ça a du mal à se frayer un chemin vers les oreilles non averties. Les radios du service public ont du mal à lui laisser de la place. Bon, bien sûr, il y a France Culture avec son création on air et ses émissions comme la série documentaire et ses fictions et son savoir-faire, toujours très France Culture. Il y a Arte Radio sur Internet où on peut écouter plein de choses dans des formats plus, mettons, reportages, documentaires. Et il y a les radios associatives comme Jet FM ou Radio Grenouille à Marseille qui lui font grand honneur et plein d'autres radios associatives que je peux pas citer là, mais qui aussi fleurissent partout. Et bientôt Campus FM. Et bientôt Campus FM, on l'espère. Les podcasts, heureusement, aussi peuvent apparaître sur Internet. Et d'ailleurs, pour vous inspirer et pour découvrir un peu cet univers de la création sonore, je vous conseille la revue en ligne Syntone, qui défriche joyeusement la jungle de la création radiophonique pour le plus grand plaisir de nos oreilles adoucies. T'écris ça comment, Syntone, ça s'écrit syntone.fr. Voilà, il y a les festivals aussi. Par exemple, avec Anna, on était à Bruit, à Nantes. Et on était très contentes d'être là. Le festival est organisé par un lieu qui s'appelle Pollen, qui est aussi un collectif de personnes. Et à Bruit, la création sonore flirte avec performance et expérience de groupe, avec expérimentation et sensation. Et à cette occasion, j'ai été soufflée par la performance qui s'appelait « L'évangile doré de Jésus triste ». Alors, pour vous permettre de visualiser la chose, au centre, Henri Landré, comédien, est debout derrière ce qui ressemble à un pupitre d'église. Sur le pupitre, un grand livre bleu. À gauche, entouré de câbles et de fils de pédales, Luca Pizzini souffle dans une drôle de petite trompette et manipule des objets divers. John Danger est à droite, entouré de plusieurs claviers sur plusieurs niveaux, avec aussi des pédales au sol. Et tout a commencé avec un texte, illustré, envoyé un beau jour à la radio Jet FM. L'évangile doré de Jésus Christ, un livre collectif des éditions Frémoc. L'œuvre est le fruit d'ateliers associant des artistes porteurs d'un handicap mental et d'autres invités en résidence. Il s'agit de l'itinéraire miraculeux de Jésus Christ, une femme qui deviendra homme et mourra pour prendre sur elle la tristesse du monde. Le son prend matière et la voix se mêle aux boucles. Pas la peine de raisonner, laissez-vous porter. Thank you. Parmi les miracles accomplis par Jésus-Christ qui renversèrent le monde, elle marcha sur l'eau. Elle marcha d'abord sur le lac de Vilsalem, ensuite elle marcha sur la Salma, sur l'Ambière et sur le Gourdin qui est Lourdes. Alors Jésus-Christ marcha sur la Meuse jusqu'en mer du Nord. Elle découvrit l'Amérique par le détroit de Béking. Elle traversa l'Atlantique et gagna la mer Méditerranée par les colonnes d'Hercule. Sur les eaux, Jésus-Christ fut le secours de quantités de réfugiés, migrants et esclaves en fuite. Et c'est depuis qu'il est dit, pauvres pécheurs, priez par elle sans attendre l'heure de votre mort en mer. Parmi les miracles accomplis par Jésus-Christ qui renversèrent le monde, elle ramena les morts à la vie. Elle ressuscita en premier la fille de Zaïre. Elle partit aussitôt porter la bonne nouvelle aux nègres du Congo, elle s'appelait Kimbanga. Jésus-Christ ressuscita les fils de Hazard, Aphroditos, Eros et Johnny, qui formèrent un groupe messianique nommé Destiny Child. Et les Destiny Child firent 7 tournées mondiales triomphales. Les Destiny Child eurent 7 enfants qui tous chantèrent la joie éternelle dans les catacombes des 7 coins de la terre. Chacun des enfants eut 7 enfants qui, à leur tour, chantèrent la joie éternelle, et il en fut ainsi jusqu'à nos jours. Voilà, c'était un petit extrait de l'Évangile doré de Jésus-Christ. Et je vous conseille de surveiller attentivement le site internet de Pollen, P-O-L-N, pour retrouver bientôt tous les sons des performances du festival Bruit 2. Notamment un son à toi, Lisanne. Les secrets de Titus et le dépositaire. Et oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures, n'en rien à voir quoique. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Merci beaucoup Gizane pour ce premier Hörspiel, donc on va essayer. C'est parti. Quand même dire à bruit que tu as fait une performance. J'ai avec fait. Un clarinettiste en Absolument. Live. Oui, c'était un peu impressionnant. Donc c'est avec Florian Léger, clarinettiste, et on a travaillé ensemble sur de l'improvisation de textes semi-improvisés, semi-guidés, autour de thématiques qu'on se lançait, qui tournaient beaucoup autour de l'animalité, du rapport au monde, de la solitude, de la tristesse, du voyage, enfin un mélange de tout ça. Et ça durait 30 minutes, c'était vraiment une chouette expérience. Et c'est un texte que tu as écrit pendant... Utopie Sonore, qui est un festival de création radiophonique, on peut le dire. On a commencé à travailler un peu avant Utopie, puis on s'est dit Utopie Sonore, c'était l'occasion de développer le projet, en tout cas de le montrer. Et à partir de là, en effet, ça a planté plein de graines. Malheureusement, Florian n'avait pas pu venir à Utopie Sonore. Du coup, j'avais réalisé ça avec François Harly à la trompette. Et ça nous a donné, en effet, le fait de montrer la première fois, ça nous a donné plein d'envies, d'idées. Pour pouvoir le montrer un peu plus abouti là, à Nantes. Et pendant ce fameux festival Bruit, il y a eu aussi une écoute d'un son de François Berchenko, notre réalisateur technique de d'habitude, qui s'appelait Fukushima. Allons-nous occuper notre soirée aujourd'hui? Facile, jazz, house, hip-hop, broken beats et au Fat Cat avec Guns the DJ toute la nuit. Concert aux abattoirs aussi, puisque le musicien Michel Clou et la plasticienne Béatrice Utrilia y présenteront état des lieux intérieurs. Trompette, contrebasse et guitare, c'est au taquin et le groupe, c'est Boucan. Sinon, aujourd'hui démarre le Festival des Arts Numériques 2e édition jusqu'au dimanche 26 mai à Saint-Aurens. Et vous pouvez trouver toutes les infos nécessaires sur l'événement Facebook du festival ou sur le site festival-des-arts-numériques.fr. Pensez à réserver. Avis aux pros et aux artistes et à tous ceux que ça intéresse dans la culture, dans le cadre du FAIR 2018, Octopus et le Bikini invitent à découvrir le dispositif du même nom qui, je cite, a pour but le soutien et l'aide au démarrage de carrière d'artistes des musiques actuelles résidant en France. Rencontres formatives et informatives gratuites, mais inscription obligatoire car les places sont limitées à 50. Il se passe des choses aussi dans les salles obscures, à la Cinémathèque rétrospective de mai 68 avec du cinéma militant et le groupe Zanzibar. Et à l'American Cosmograph, ce sera projection du film mai 68, La Belle Ouvrage de Jean-Luc Magneron, et suivi d'une rencontre avec Sylvain Dreyer, maître de conférences en cinéma à l'université de Pau et des représentants du mouvement étudiant actuel. À l'ABC, c'est plus calme, avant-première du film « Trois jours à Quiberon » d'Émilie Attef sur le film, un film sur Romy Schneider, pardon, et sa rencontre avec le photographe Robert Lebec. Rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. C'était le panier de Manon, j'ai pas eu le temps de vous présenter. Donc ce panier que Manon propose tous les matins dans Dépôt Trominé à partir de 7h30. Un bon panier de produits frais et d'autres gourmandises. Il est maintenant l'heure de se quitter. Encore un gros merci à nos invités Jeanne-Sophie Faure et Clémence Van Egmont des Siestes Électroniques. Merci à la formidable équipe de ce soir, Thomas et Guizane, Manon avec son panier, sans oublier nos réalisateurs techniques latins, Raphaël, puisque Marcos n'était pas là ce soir, et François, merci à vous, et puis des bisous à Lou, parce qu'elle n'était pas là et elle aime bien les bisous. Demain matin, à partir de 7h30, dans Dépôt Trominé, Manon et Anthony reçoivent l'association La Gargouille, qui propose des randonnées inédites à la découverte du patrimoine urbain d'hier et d'aujourd'hui. Parce que, je cite, « Toulouse n'est pas une ville monochrome, elle est de toutes les couleurs ». Chers auditeurs, vous pouvez retrouver le replay de cette émission et de toutes nos émissions d'ailleurs sur le Mixcloud de Campus FM. Et puis venez liker notre page Facebook « Rien à voir quoique » ou notre compte Twitter. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.